Des années après ces délires, j'ai repris tes vers par ordre divin. Souviens-toi de ce que tu as souffert, m'a dit Dieu. Car ton histoire sera chantée par les poètes. Cette mer où ensemble nous nous sommes noyés, ces gémissements tiens qui m'ont élevé, sont encore des coraux dans mes récits. En rêve, inlassablement je nage. Le lit que tu as méprisé dans ma pauvreté est aujourd'hui le trône que les cieux vénèrent, celui de mon épouse qui m'a tout donné comme moi. Dans son amour, elle a risqué toute sa vie et m'a donné 5 enfants, tous disparus. Bénédiction du ciel qui maintenant veille sur eux, loin des misères de ce monde. Et toi, vivras-tu aussi à nouveau aux côtés de celui qui t'offrait tout, de celui qui donnait la moitié de son salaire pour que tu puisses appeler ta mère en France? Parfois je retourne à notre cas. Et m'a donné 5 enfants, tous disparus.